Mentor vient d'exposer à Télémaque la vie simple, frugale et laborieuse qui assure le bonheur des Crétois. Télémaque s'adresse toujours à la nef Calypso, dans son île où il s'est arrêté. Je demandai à Mentor en quoi consistait l'autorité du roi, et il me répondit « Il peut tout sur les peuples, mais les lois peuvent tout sur lui. Il a une puissance absolue pour faire le bien, et les mains liées dès qu'il veut faire le mal. Les lois lui confient les peuples comme le plus précieux de tous les dépôts, à condition qu'il sera le père de ses sujets. Elles veulent qu'un seul homme serve, par sa sagesse et par sa modération, à la félicité de tant d'hommes, et non pas que tant d'hommes servent, par leur misère et par leur servitude lâche, à flatter l'orgueil et la mollesse d'un seul homme. Le roi ne doit rien avoir au-dessus des autres, excepté ce qui est nécessaire, ou pour le soulager dans ses pénibles fonctions, ou pour imprimer au peuple le respect de celui qui doit soutenir les lois. D'ailleurs, le roi doit être plus sobre, plus ennemi de la mollesse, plus exempt de faste et de hauteur qu'aucune autre. Il ne doit point avoir plus de richesse et plus de plaisir, mais plus de sagesse, de vertu et de gloire que le reste des hommes. Il doit être dehors le défenseur de la patrie en commandant les armées, et au-dedans le juge des peuples pour les rendre bons, sages et heureux. Ce n'est point pour lui-même que les dieux l'ont fait roi. Il ne l'est que pour être l'homme des peuples. C'est au peuple qu'il doit tout son temps, tous ses soins, toute son affection. Et il n'est digne de la royauté qu'autant qu'il s'oublie lui-même pour se sacrifier au bien public. Minos, le roi de Crète, n'a voulu que ses enfants régnassent après lui, qu'à condition qu'ils régneraient suivant ses maximes. Il aimait encore plus son peuple que sa famille. C'est par une telle sagesse qu'il a rendu la Crète si puissante et si heureuse. C'est par cette modération qu'il a effacé la gloire de tous les conquérants qui veulent faire servir les peuples à leur grandeur, c'est-à-dire à leur vanité. Enfin, c'est par sa justice qu'il a mérité d'être aux enfers le souverain juge des morts.